La mort de Saint-Louis. Saint-Louis est sur le point de mourir de la peste devant Carthage au cours de la 8e croisade. Quand le bon roi eut fait ses recommandations à son fils, Monseigneur Philippe, le mal qu'il avait commença à croître fortement. Alors, il demanda les sacrements de la Sainte Église et les reçut en toute lucidité et pleine connaissance, comme bien il apparut. Car, tandis qu'on loignait et qu'on disait les 7 psaumes, il récitait les réponses de son côté. Et j'ai entendu raconter à Monseigneur le duc d'Alençon, son fils, que comme il approchait de la mort, il invoqua les saints, leur demandant assistance et secours, et particulièrement Monseigneur Saint-Jacques, en disant son oraison qui commence ainsi « Esto Domine », c'est-à-dire « Dieu, soyez le sanctificateur et le gardien de votre peuple ». Il appela alors à l'aide Monseigneur Saint-Denis de France, en récitant son oraison qui peut se rendre par « Seigneur Dieu, accorde-nous que nous puissions mépriser la prospérité de ce monde de façon à ne redouter aucune adversité. » Et j'ai entendu dire, par Monseigneur d'Alençon, que Dieu absolve, que son père invoqua Sainte Geneviève. Ensuite, le Saint-Roi se fit étendre sur son lit couvert de cendres, mit ses mains sur sa poitrine et, en regardant vers le ciel, rendit son esprit à notre Créateur à l'heure même où le Fils de Dieu mourut sur la croix pour le salut du monde.